Aujourd'hui il fait pas beau, j'ai mis les lunettes et je suis parti au studio. Après je vais à Marbella, changer les idées, on en a marre de là. Même vu, on va se tailler au bord de là. Mère un week-end avec les petites Bella. J'ai mis les 4 anneaux, je suis avec 4 go, j'écris dans la vago. On connaît bien le tarot, j'étais mis 4 kilos derrière les aglos. Maintenant il me faut la cuenta.